Brie sur le vif. Écoutez. Et maintenant, nos prévisions météo. Aujourd'hui, beau temps chaud mais orageux sur l'ensemble du pays. Le long des côtes de l'Atlantique et de la mer du Nord, vent assez fort. Nombreux orages dans la soirée dans le sud méditerranéen. Voici quelques températures prévues pour cet après-midi. 23 degrés à Nantes et Vannes, 25 degrés à Paris, 26 degrés au Mans et à Tours, 27 degrés à Lyon, 28 degrés à Nice. Répétez. Et maintenant, nos prévisions météo. Aujourd'hui, beau temps chaud mais orageux sur l'ensemble du pays. Le long des côtes de l'Atlantique et de la mer du Nord, vent assez fort. Nombreux orages dans la soirée dans le sud méditerranéen. Voici quelques températures prévues pour cet après-midi. 23 degrés à Nantes et Vannes, 25 degrés à Paris, 26 degrés au Mans et à Tours, 27 degrés à Lyon, 28 degrés à Nice. Écoutez. Quel temps! Nous voilà pourtant au mois de juin. Cette année, on n'a pas vu le printemps. Il n'y a plus de saison, c'est bien vrai. Avant la guerre, je me rappelle, moi aussi, vous voulez mon avis? C'est leur bombe atomique qui détraque le temps. Je suis bien de votre avis. Répétez. Quel temps! Nous voilà pourtant au mois de juin. Cette année, on n'a pas vu le printemps. Il n'y a plus de saison. C'est bien vrai. Avant la guerre, je me rappelle. Moi aussi, vous voulez mon avis? C'est leur bombe atomique qui détraque le temps. Je suis bien de votre avis.